nous deux, un seul cœur, un seul rêve, un seul feu. Jamais je ne te laisserai, et je voudrais te dire je t'aime. Ce soleil dans tes yeux est à moi. Ciel bleu, mon étoile, c'est toi. Nous deux, un seul cœur, un seul rêve, un seul vœu. Toi et moi.